Chapitre 12e. Blessure mortelle. Le crime, en tant que crime, l'effrayait encore. La victime ne l'intéressait plus. Un soir, au salon, parmi ses pensionnaires, le docteur Fabel lisait son journal. Tout à coup, il dit « C'est singulier. Hier dimanche, une famille d'ouvriers dînait sous une tonnelle à la barrière. Une énorme vipère est tombée sur la table. On l'a tuée sans qu'elle eût mordu autre chose que malheureux chien qui s'élançait sur elle. » Il paraît que cette vipère avait été apportée la veille dans de la fougère que le restaurateur avait fait demander pour le service de ses caves. On parla d'autre chose après avoir commenté ce fait divers. Toutefois, l'impression profonde qu'il avait causée resta gravée dans la mémoire de tous, et notamment de Fernande. Le mariage d'Armand et de la pupille du docteur devait se conclure prochainement. Les deux jeunes gens passaient des jours heureux. Ils s'aimaient avec la grâce des natures jeunes, franches et fraîches. Il arriva que ce soir-là, le docteur fut invité à une séance scientifique qui se tenait le soir. Il était impossible qu'il ne s'y rendît point. D'habitude, après le dîner, Fernande et Armand se promenaient au jardin. Puis, ils travaillaient ensemble, lui étudiant, elle brodant. Pour la première fois, ils allaient passer toute une soirée ensemble, seuls. Ils s'en promettaient une grande joie à tous deux. Armand avait trouvé le moyen de préparer à Fernande une surprise. Elle adorait les roses. Le soir, quand il fut certain que Fernande n'irait plus dans sa chambre que pour se coucher, il alla trouver Mademoiselle Léonie et lui donna un louis, puis il lui dit « Vous trouverez dans la remise des mânes à porter ce matin. Elles contiennent des roses effeuillées. Vous les répandrez sur le lit de Mademoiselle Fernande et vous vous garderez de rien lui en dire. »« Bien, monsieur, » dit Léonie, toute joyeuse. Il courut trouver Stéphane. « Nous avons toutes les chances, » dit-elle. « D'abord, le docteur ne sera pas là. » De plus, M. Armand a fait venir une charte de roses et je dois les répandre sur le lit de mademoiselle. Ce qui permettra de dire que la vipère était dans ses fleurs, dit Stéphane. Tout va bien. À 4 heures, je rapporterai la vipère endormie dans un sac. À 8 heures, tu la placeras dans son lit et j'espère que tu n'auras pas peur. Non, dit-elle un peu pâle. Elle s'était habituée à l'idée du crime. Stéphane, du reste, montrait le plus brillant avenir à sa maîtresse. Il lui avait raconté toute la vérité. Il lui avait expliqué qu'il était un bohémien, mais il avait su gagner une aisance assez grande que les libéralités de la comtesse, pour le compte de qui il agissait, allaient augmenter. Il faisait en grand le commerce de remonte pour la France, allant acheter des troupeaux considérables de chevaux en Hongrie. Il avait souvent obligé le général autrichien, qu'il était censé servir, et qui lui facilitait ses achats. De là, entre eux, des relations intimes. Ils étaient liés par des concessions et par la complicité dans de vilaines affaires. Grand joueur, le général était souvent décavé et à la merci des usuriers. C'est dans un de ces moments qu'il avait consenti à se faire admettre dans la maison de santé du docteur. Ce dont il avait besoin du reste. Se guérir, toucher 10 000 francs, ne pas s'en compromettre en résumé, cela lui parut très agréable. Telle était la situation des divers acteurs de la scène terrible qui allait se dérouler. Le docteur prit congé de ses enfants, comme il les appelait, aussitôt après le dîner. Comme toujours, Fernande et Armand se promenèrent longuement dans les allées. Puis ils revinrent dans le petit salon du docteur et se mirent à travailler. Mais 100 fois, il quittait la plume pour prendre la main de Fernande et la baiser. Celle-ci alors lui tendait son front. Il y posait ses lèvres, disait une folie et se remettait au travail. Elle ne craignait rien auprès de lui. Jamais il n'avait risqué une caresse d'amant. Il se conduisait comme un frère. Elle était aussi ignorante du péril que Léonie l'était. Mais elle n'avait rien à redouter des sens, car ce qui chez l'autre était passion violente était chez elle tendresse infinie. Malgré la liberté que lui avait toujours largement octroyée son tuteur, elle était d'une ignorance ravissante. Elle avait des naïvetés renversantes, faute d'avoir sérieusement réfléchi aux fins du mariage et à ses conséquences. Elle faisait souvent rarement des questions qui l'embarrassaient fort. D'ordinaire, quand il avait fini son article, il jetait sa plume et causait. Ce soir-là, il finit de bonne heure. « C'est fait, » dit-il. « Si le directeur ne paye pas celui-là 3 louis, il me volera mon argent. »« Vous finirez par gagner beaucoup, » dit Fernande. « Le docteur a reçu des compliments très vifs sur votre dernière série. »« Je pense, » dit Armand, « arriver à me faire des années de 10 000 francs. »« Nous serons riches, » dit Fernande. « Pas trop. On dépense beaucoup en ménage. » Les enfants viennent et cela coûte. J'ai des amis qui ne font pas grande figure avec de bons gains à cause des nourrices. Fernande n'avait pas les effarouchements hypocrites des jeunes personnes qui n'osent parler de rien. Cela tenait peut-être à ce qu'elle ne savait pas le fond des choses. Les secrets du ménage ne l'avaient jamais fait rêver, et ce jour-là, pour la première fois, elle y pensa. « Armand, demanda-t-elle, si vous vouliez m'être agréable, notre premier enfant serait un garçon. » Il la regarda étonnée. Elle avait le limpide regard des vierges qui disent des énormités sans s'en douter. Il se mit à rire. « Pourquoi vous moquez-vous de moi ? » demanda-t-elle. « Il rit de plus belle. »« Expliquez-vous, » fit-elle doucement, « qu'y a-t-il de ridicule à souhaiter un garçon d'abord ? J'ai mes raisons. Quand le fils est l'aîné, il protège sa sœur, il la conduit promener, il... Mais enfin, qu'avez-vous donc à rire ? Vous me faites de la peine. » Comme elle avait presque les larmes aux yeux, Armand se calma. « Quand vous saurez, dit-il, vous rirez bien aussi de ce que vous venez de dire. » Et se levant tout à coup, « Je ne suis plus votre fiancée. J'entre dès ce soir dans un nouveau rôle. N'avez-vous pas une coiffe, un bonnet, quelque part, à me donner ? Pourquoi donc ? Parce que je vais me faire votre grand-mère pendant une demi-heure. Il faut cependant que vous sachiez certaines choses, et je vais vous en dire ce que je pourrai. Vous vous figurez que je suis votre respectable aïeul. » « Que de bizarreries, mon Dieu ! » fit-elle. « Que de naïveté, Seigneur ! » s'écria-t-il. « Enfin, parlez ! » !»« Je vous apprendrai d'abord que l'on n'a pas, à volonté, des fils ou des filles. » « Moi, je croyais, dit Fernande, que c'était par suite de désaccords entre le mari et la femme. Ainsi, j'ai entendu dire à des dames, mon mari voulait un fils, moi une fille. « Eh bien, dit Armand, on a beau vouloir, il faut les prendre comme ils viennent. »« C'est bien ennuyeux, » murmura Fernande. Puis elle réfléchit. Peu à peu, elle rougit. Son visage s'empourpra extraordinairement. Quelque lumière soudaine s'était faite dans son esprit sans doute, elle n'osa plus lever les yeux. Armand, garçon délicat, se contentait de la regarder à la dérobée. Il fit semblant de corriger son article. Peu à peu, elle se remit de son trouble. Il laissa son manuscrit pour causer. « Savez-vous, Fernande, quelles sont les intentions du docteur ? Quand songe-t-il à nous marier ?»« Dans 3 mois, je pense, » fit-elle. « Vous dites cela d'un air bien indifférent, » dit-il avec un certain dépit. Sans doute la lumière qui avait brillé aux yeux de Fernande n'était qu'une lueur très faible, car elle fit une réponse incroyable. « Mais, mon ami, grâce au docteur qui vous permet même de m'embrasser, je ne vois pas en quoi nous serons plus heureux étant mariés. D'ailleurs, une chose que le docteur ne vous a pas dite, mais que je sais moi, c'est qu'il nous donnera ici même un appartement. Nous y serons chez nous, bien chez nous, a-t-il dit, pour que vous ne preniez pas crainte, qu'il vous gêne en rien. Puis, il nous offrira sa table, et ce sera une grande économie pour nous. Donc, à part l'appartement, nous sommes aujourd'hui ce que nous serons dans 3 mois. » Nouvel éclat de rire d'Armand. « Il paraît, dit Fernande, que j'ai encore dit une bêtise. Je ne suis pas heureuse ce soir. » Et cette fois, fit Armand, je ne saurais vous éclairer, ma chère Fernande. » Ce fut à son tour de rougir légèrement. Elle s'en aperçut. Baissant la tête sur son ouvrage, elle creusa l'énigme qu'elle venait de poser elle-même. Et la lueur qu'elle avait entrevue se fit sans doute plus vive, car elle fut saisie cette fois encore d'un trouble profond. Armand s'est levé pour prendre un Montaigne qu'il étudiait souvent. Il fit semblant de prendre des notes et de s'enfoncer dans le travail. Elle le crut absorbé. Levant les yeux, son regard rencontra celui d'Armand qui souriait finement. À son tour, elle se mit à rire. Pourtant, en savait-elle beaucoup plus long qu'avant ? Non. Mais elle n'ignorait plus maintenant qu'il y avait un mystère. Elle se rendait compte qu'elle avait dit quelque énormité. « Je vous parais bien niaise, » dit-elle. « Naïve, » certifia-t-il. Et il ajouta. « J'en suis ravi. Et vous êtes un ange, ma chère Fernande. J'ai une envie folle de vous adorer. » Il lui prit les 2 mains et lui demanda. « Voulez-vous m'accorder une grâce ? Mais sans doute, vous n'avez jamais rien refusé. Je voudrais passer une demi-heure à vos genoux et causer de notre avenir. » « Je ne vous aime pas beaucoup en posture de suppliant, » répondit-elle. « Souvenez-vous de notre première rencontre. Tenez, si vous voulez, parlons de nos projets, mais maintenant les vôtres. Ne nous quittons pas les yeux. Je suis heureuse quand je vous regarde. » « C'est cela, » dit-il. Elle approcha sa chaise de la sienne et mit ses doigts roses dans les mains d'Armand. « On dit que les meilleurs maris trompent leurs femmes et en aiment d'autres. Êtes-vous bien sûr, Armand, de me rester fidèle ?»« Si je vous demandais de m'expliquer ce que vous entendez par la fidélité, vous seriez bien embarrassé, » dit-il d'un air fin. « Mais non, » dit-elle, « être fidèle, c'est rester près de sa femme, la préférer aux autres, ne pas la délaisser. Être infidèle, c'est en aimer une autre, c'est aller passer ses soirées chez cette autre, lui faire des cadeaux. la conduire au spectacle pendant que sa femme s'ennuie à la maison. Et c'est là tout. Elle hésita un peu, puis elle reprit. « Pourquoi ne le dirais-je pas ?»« C'est une chose qui n'est rien de choquant. Oui, je vais vous le dire, c'est... Mon Dieu, je ne sais pourquoi ce mot me brûle la langue et me paraît difficile à dire. C'est embrasser l'autre. » Armand, cette fois, ne rit pas. Il était ému de tant de simplicité. Il sentait, du reste, l'amour l'envahir et sa tête se troublait au contact des boucles de cheveux de Fernande qui caressaient son visage. Elle lui laissait prendre autant de baisers qu'il voulait sur son front. « Ai-je bien défini l'infidélité ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Les yeux d'Armand se troublaient. Il se sentait une irrésistible envie de saisir Fernande dans ses bras. Un instant, il faillit succomber à cette tentation et ses lèvres cherchèrent l'ajout de la jeune fille, mais elle se releva effrayée. « Qu'avez-vous ? » s'écria-t-elle. « Armand, vous m'effrayez !» Il tomba à genoux, baisant le pan de la robe de sa fiancée et s'enfuit. Elle comprit alors qu'un danger l'avait menacé et s'en effraya. Elle vit encore un peu plus clair. Les nuages se dissipaient peu à peu. Elle était grave quand Armand revint. « Je vous demande pardon, Fernande. Plus tard, vous trouverez que je mérite votre indulgence. » Il était confus. « Mon ami, lui dit-elle doucement, je vais prendre un sage parti. Lequel ? Je dirai demain au docteur que je désire me marier le plus tôt possible. De cette façon, vous n'aurez plus à vous sauver comme un fou. » Elle lui tendit la main. « Je ne vous en veux pas, mon ami. Je vais me retirer dans ma chambre. Il est 11 heures déjà. « Bonne nuit, Fernande, dit-il. Tenez demain votre promesse. » « Pourquoi hésiterais-je ? Tout bien calculé, je crois que c'est le parti le plus sage à prendre. Allons, voici encore mon front. Donnez-moi un baiser qu'il ne me fasse pas rougir, mon ami. » Il le donna comme à une sainte.